Je marche sur des braises, je ne sens plus mes mots. Depuis que j'ai perdu mon cœur, entre parenthèses, dis-moi qu'il m'aime encore, et toutes les couleurs reviennent. Je dors sur son arc-en-ciel. Vers l'horizon, sans gêne ni oxygène, je cours, je vole, sans lui ni elle. Plus de saisons, son nom, j'écoute chacun de ses sons. Je dors sur son arc-en-ciel. Je